man staff dans un nightclub. Ouais, Mesrim, dealer. Un son du sud pour faire danser la gadji sous les strombos. Plein de sky dans les verres, y'a des videurs comme Rambo. Ne me parle pas de Fibin, ça cherche la bimbo et rien à foutre. Soit on est des stars comme Ringo. La vérité, j'suis JIT, j'suis Miss Paul Smith. Bien repassé, j'ai la classe anglaise comme John Stitt. Pas besoin de speed pour me faire bander. Que autour de moi et que du style à réprimander. Mon cousin, carré vieille puis sur coussin. Le mec qui nous sert, ma parole est une coupe d'oursin. J'suis en folie, on dirait que j'sors de prison. Et toi là-bas, j't'amènerai pire à ma maison. T'as raison. On est dedans combien de fois on est resté dehors. Mais ça c'est l'envers du décor. Ce soir j'suis pas là pour me plaindre mais pour faire tomber. Resserre-nous moi et mes amis on est au JB. J'aime trop les nightclubs et l'atmosphère qui s'en dégage. L'œil sur les dance floors ça pisse comme un tueur à gage. Nightclub. Quand ça bouge autour de moi, le verre à la main sous les spots je suis chez moi. Nightclub. Des sales queues qui dansent de partout, la bonne zig dans la tête et les mains qui se lèvent de partout. Nightclub. Sur la piste au bion comptoir, on aime trop les journées quand elles commencent le soir. Sur moi le grand jeu, la dentelle, fais-moi le plan de Janet et le Boa. Là où ça y en a, dis-moi qu'est Fantua. Tu dis que j'ai un charme inouï, homme à louer. Est-ce que j'avance, personne avant de la voix. Tu sors stringé comme dans le clip à Cisco. Moana, remue ton bout d'amour dans la disco. Ah-ha. T'es sexy, passe à ma table, cache, vais te coincer. On a plus que la nuit, ne sois pas pressé. Ouais, j'm'ouani. Écoute mes mots doux et ton minou me fait des gouttes d'eau. La boîte est ensorcelée par les vaudous. Viens zouker. Elle cule pas les petites ralingues, elles sont toutes relookées. Maintenant les bouquins se la font overbookées. Laisse-moi avec mon pote Mika, on va s'en péguer. On n'est pas venu pour écouter de la techno ou du reggae. On veut des chaînes du gros son. Que le patron mette le paquet. Putain, y'a la hyène à traquer. J'aime trop les nightclubs et l'atmosphère qui s'en dégage. L'œil sur les dance floors, ça pisse comme un tueur à gage. Nightclub. Quand ça bouge autour de moi, le verre à la main sous les spots, je suis chez moi. Nightclub. Des sales queues qui dansent de partout. La bonne zig dans les têtes et les mains qui se lèvent de partout. Nightclub. Sur la piste au bion comptoir, on aime trop les journées quand elles commencent le soir. Je suis pas un prince de l'année comme Gilbert Waro. Rien à foutre des putes qui me parlent de leur vie ou de leur robe. Même de chez Ungaro. Le genre qui te pointe sexe. T'as pas sorti la dernière série 5 tout droit de Station 7. Et que tu fais pas briller. La moitié d'entre elles sont ce qu'elles cherchent ici. En fait mon pote c'est que des billets. Man ça me voit à l'air qu'on a le bon sang dans les oreilles. Il reste que des emplettes et des armettes. Ici tous prêts à faire des dégâts. Sur beat de boîte de nuit watch out. Demande Ortega. L'été quand je rappe en tongue en short. Au pied des super gars. Moi la proxénète comme tout short. J'envoie mon rap dans n'importe quel style. Boy, comme mon pote ne soit pas hostile. Mainstream. Santé à tous mes amis. Je lève mon verre et tout le reste pour la famille. J'aime trop les nightclubs et l'atmosphère qui s'en dégage. L'œil sur les dance floors, ça pisse comme un tueur à gage. Nightclub. Quand ça bouge autour de moi, le verre à la main sous les spots, je suis chez moi. Nightclub. Des sales queues qui dansent de partout. La bonne zig dans les têtes et les mains qui se lèvent de partout. Nightclub. Sur la piste au bion comptoir, on aime trop les journées quand elles commencent le soir. J'aime trop les nightclubs et l'atmosphère qui s'en dégage. L'œil sur les dance floors, ça pisse comme un tueur à gage. Nightclub. Quand ça bouge autour de moi, le verre à la main sous les spots, je suis chez moi. Nightclub. Des sales queues qui dansent de partout. La bonne zig dans les têtes et les mains qui se lèvent de partout. Nightclub. Sur la piste au bion comptoir, on aime trop les journées quand elles commencent le soir.